1698, un religieux de l'ordre de la Merci, le père Blandinière, qui sert d'informateur au gouvernement français, écrit à propos de l'état d'esprit en Espagne, je cite, « Le peuple est fort changeant et de plus, on aime naturellement le roi d'Espagne, Charles II, et le roi d'Espagne est un imbécile. » Fin de citation. Ce jugement signifie, dans la langue du temps, qu'il est imbécile, c'est-à-dire faible de corps et sans doute d'esprit. Ce jugement indique aussi, dans la bouche de ce religieux, que le peuple espagnol lui reste très attaché. C'est avec ces réalités que le roi de France va devoir jouer pendant près de 40 ans. Aujourd'hui, les historiens s'intéressent plutôt aux malheureux, aux malades, aux souffrants. Face à Louis XIV, à la robuste santé, un roi toujours tenté par une affirmation permanente de sa gloire personnelle, la personnalité douloureuse de Charles II doit sans doute susciter plus de sympathie, pourquoi pas d'empathie. Et si nous nous plaçons dans la perspective chrétienne qui était celle du XVIIe siècle, les souffrances d'un roi renouvellent peut-être celles de Jésus-Christ. En tout cas, la mauvaise santé de Charles II, son destin terrible, sont devenus des instruments pour la politique étrangère de la France au temps de Louis XIV, et ce sera alors en quelque sorte le fil de ma proposition. Dans les années 1650, déjà, le cardinal Mazarin, en négociant le mariage de Louis XIV, envisage la situation difficile de la maison d'Autriche à Madrid comme à Vienne. Jean Béranger a noté que ça avait été une politique de la maison des Habsbourg, en particulier en installant des archiducs et des infants dans l'église pour contrôler des positions importantes, voire des territoires. Cela avait finalement privé de nouvelles lignées la maison, nouvelles lignées qui auraient été très utiles lorsque, au XVIIe siècle, on commence à manquer de princes, aussi bien à Vienne qu'à Madrid. La diplomatie française, par là même, se met à regarder avec beaucoup plus d'attention ce qui se passe dans l'intimité de la maison de Habsbourg, je dirais dans les alcôves, car le sort du monde désormais dépend de ses naissances. Le cardinal Mazarin a aussi rêvé, lorsque l'Espagne était mal en point au début de 1646, d'obtenir par un échange et à la faveur du mariage de Louis XIV avec une infante, tous les Pays-Bas espagnols, en gros notre Belgique et notre Luxembourg. Ce bel appétit français qui se rêvait de se goinfrer de terre espagnole a refroidi l'amitié avec les Hollandais. Cela a accéléré finalement la marche vers la paix de Westphalie. Néanmoins, ce désir de s'emparer des Pays-Bas espagnols reste en quelque sorte l'horizon de la politique extérieure française pendant tout le règne de Louis XIV. Il s'agit essentiellement d'assurer la sécurité de Paris, d'éviter les invasions qui viennent toujours du nord ou du nord-est et de surveiller l'Angleterre. Si bien que dès le mariage de Louis XIV en 1660, la diplomatie française ne perd pas de vue la situation de la maison d'Autriche, en particulier en Espagne. Et Louis XIV a cherché à affirmer, c'est bien connu, les droits de Marie-Thérèse. Or, le 1er novembre 1661, le dernier infant vivant, Philippe Prosper, meurt en Espagne et le dauphin de France, fils de Louis XIV et de Marie-Thérèse, devient l'héritier présomptif des deux couronnes, celle de France et celle d'Espagne. Pendant quelques jours, en quelque sorte, le dauphin Louis a été le seul héritier possible de la France et de l'Espagne. L'archevêque d'Embrun, La Feuillade, qui est ambassadeur en Espagne, écrit aussitôt à Louis XIV, citation, « Car outre que la reine d'Espagne est périlleusement malade dans ses couches et qu'elle peut avoir une fille, il y a bien des raisons qui font croire qu'elle ne peut avoir des enfants qui conservent une longue vie. Il semble donc que la grande affaire de votre majesté va prendre ses mesures pour recueillir une succession de tant de royaumes, de multiplier ses droits du côté de la justice et de faire son parti au-dedans de l'État et d'attaquer les prétendants qui se réduisent à la seule personne de l'empereur. » Fin de citation. L'archevêque, vous le voyez, prévoit bien des drames internationaux. D'une part, la mauvaise santé des enfants, et des enfants d'Autriche, les infants, le duel entre Louis XIV et l'empereur Léopold Ier, qu'évoquera tout à l'heure le professeur Klaus Maletke. Pourtant, quelques jours après ce drame, la reine d'Espagne accouche, le 6 novembre 1661, d'un fils, le futur Charles II. Et lorsque, en 1665, le roi d'Espagne, Philippe IV, meurt, c'est le petit Charles II que vous voyez ici à l'arrière-plan avec d'autres enfants dans une scène assez familière. C'est le petit Charles II qui devient le roi d'Espagne. Il règne donc de 1665 à 1700 sur l'immense empire espagnol qui s'étend en Europe de Bruxelles à Palerme, et en passant par Milan et par Naples, mais aussi un empire qui s'étend à l'Amérique, de la Floride au Mexique et au Pérou, et en Asie jusqu'aux Philippines. Un empire mondial où se mêlent des populations très, très différentes les unes des autres, des cultures très diverses qui s'affrontent et se conjuguent. Nous avons là une première mondialisation qu'a bien souligné Serge Grusinski. Néanmoins, dès l'enfance, le prince qui a toutes ses couronnes, puisque ce n'est pas une seule couronne, mais de multiples couronnes, ce prince souffre de multiples handicaps physiques, intellectuels, et sa santé, d'emblée, apparaît comme très fragile. La science contemporaine incrimine volontiers à son sujet les innombrables unions consanguines qui ont lié les membres de la maison de Habsbourg. Alors voici le tableau normal de toutes ces liaisons. Vous voyez, on passe volontiers de la branche de Vienne à la branche de Madrid. Et j'ai trouvé dans Internet hier soir ce tableau d'un savant qui étudie la consanguinité, qui compare la maison de Habsbourg avec les anciens pharaons et qui a fait des comptes. Et alors j'ai essayé de les refaire après lui. En gros, si l'on prend les générations des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents et des arrière-arrière-grands-parents, nous avons chacun 30 personnes, je crois. Pour le petit Charles II d'Espagne, on n'en a plus que 26 différents. Et il y a, semble-t-il, 10 ou 11 qui ne sont pas de la maison de Habsbourg. On voit donc que c'est un, et peut-être même moins. Ce matin, il m'a semblé que j'étais arrivé à 7. Donc, vous voyez, c'est à peu près entre un quart et un tiers qui ne sont pas du sang de Habsbourg. Alors, on peut dire que ça peut expliquer sa mauvaise santé. Mais alors, à ce moment-là, Louis XIV, qui descend aussi beaucoup de princesses autrichiennes de la maison d'Autriche, aurait dû être un homme malade. Or, il a, vous le savez bien, eu une excellente santé. Donc, cela prouve que ce n'est pas si clair. En tout cas, la jeunesse du roi conduit sa mère, la Marianne d'Autriche, la reine-mère, ici en habit de veuve, à gouverner. Et l'expérience prouve bien que les minorités, les régences en Europe, sont toujours des temps de faiblesse. Et c'est bien ce que comprend immédiatement Louis XIV, qui ne va cesser, si vous me permettez d'employer ce mot un peu galvaudé aujourd'hui, de harceler la monarchie d'Espagne. Et tout de suite, il le fait. Alors, je vous donne quelques visions. Une vision plutôt euphorique. Là, vous le voyez avec ce chapeau à plumet du petit Charles II. Et ici, déjà plus fatigué, vous voyez ce visage bien caractéristique de Charles II dans ce cadre magnifique, mais enfant triste, enfant sérieux. Et immédiatement, donc, Louis XIV, et sa diplomatie, ce n'est pas Louis XIV lui-même, met en valeur les droits de Marie-Thérèse, en particulier à travers ce droit de dévolution que l'on a découvert dans les Pays-Bas, un droit qui favorise plutôt les enfants du premier lit dans une succession plutôt que les enfants du second lit. Comme Marie-Thérèse est fille d'un premier lit, on dit donc qu'elle doit avoir une partie de l'héritage, et c'est ce qui va donner lieu à la guerre dite de dévolution. Alors, c'est tout un raisonnement logique très impressionnant qui donne lieu en particulier à un traité des droits de la reine très chrétienne sur divers états de la monarchie espagnole. Vous voyez, il ne s'agit pas de revendiquer toute la monarchie espagnole, mais certains États, en particulier les États des Pays-Bas, toujours les Pays-Bas, c'est ce nord de la France sur lequel on veut mettre la main. Alors, Louis XIV fait présenter un résumé des droits de Marie-Thérèse, la reine de France, à la régente d'Espagne, et au nom des droits de Marie-Thérèse, il fait entrer ses armées en 1667 dans les Pays-Bas. Au même moment, Louis XIV a lancé une négociation très, très complexe par l'intermédiaire du chevalier de Grémonville avec Léopold Ier, l'empereur. C'est-à-dire que Léopold Ier a eu lui-même à épouser une infante, Marguerite Thérèse, et il a eu un fils, Ferdinand, qui meurt la même année, en 1667. C'est-à-dire qu'à Vienne aussi, il n'y a plus, à Vienne, il n'y a pas d'héritier de la couronne. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il n'y a plus que Charles II, un enfant malade, Louis XIV est le dauphin et l'empereur Léopold. Donc cette situation de famille fait que l'empereur accepte de signer un traité secret de partage de l'Empire espagnol. C'est un merveilleux traité à l'échelle du monde que je vous cite simplement pour ce préambule très, je vais dire, très faucheton, si vous me permettez cette expression vulgaire, en tout cas très hypocrite, hein, parce que on voit bien qu'on multiplie les précautions pour ne pas évoquer ce sujet dramatique qui est la mort du roi d'Espagne. Quoi qu'il ne puisse rien arriver à leur majesté de plus triste ni de plus chagrinant dans toute leur vie que si le sérénissime roi catholique d'Espagne, leurs bien-aimés parents et alliés à l'un et à l'autre, venait à mourir d'une peur prématurée, sans laisser d'enfants nés en légitime mariage, ce dont la pensée seule les attriste infiniment. Et quoi qu'il soit dans la volonté de prier fortement la divine bonté, de ne pas permettre que ce malheur arrive, néanmoins, comme toutes les choses humaines sont incertaines et fragiles, qu'il est du devoir de leur majesté plus que de tout autre de prévenir, autant qu'il se peut et de bonne heure, les maux que causerait cette mort, et de prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher que le feu d'une nouvelle guerre que produiraient les différentes prétentions sur une si grande succession ne consume trop ardemment la chère postérité de l'une et de l'autre. Donc, il décide de se partager le magot, il faut bien le dire. Alors, c'est très impressionnant d'ailleurs, ce sont des vues de l'esprit. J'ai étudié de près cette négociation, très amusant, parce que lorsqu'on dit au représentant de l'empereur à Vienne, on lui dit « vous allez avoir l'Amérique », il dit « oh, surtout pas l'Amérique !» Bien sûr, ils n'ont pas de bateau pour y aller, alors ils ne savent pas très bien comment ils pourraient aller en Amérique. En revanche, il est certain que pour la France, c'était impressionnant, eh bien la France gagne les Pays-Bas. Toujours ces Pays-Bas qui sont un motif. Mais alors s'ajoute à cela de belles choses, la Franche-Comté, les îles Philippines. Là aussi, il aurait fallu les gagner, les îles Philippines. Et aussi, alors ça, c'est aussi une obsession qui finalement se réalisera au XVIIIe siècle, le royaume de Naples et le royaume de Sicile. Cette idée d'implanter des Bourbons à Naples et en Sicile, finalement, ce sera bien. On voit bien que la diplomatie se nourrit de ces longs projets que l'on a en tête toujours, que l'on n'oublie pas et qui finalement parfois se réalise. Alors, vous le voyez, d'un côté, un traité secret. Jean Béranger a bien insisté sur le fait que ce traité secret avait été très important pour Louis XIV, parce que ça signifie que l'empereur reconnaît que la couronne de France a des droits et qu'on ne peut pas, finalement, passer sous silence ces droits, malgré les renonciations qu'avait signé Anne d'Autriche et qu'avait signé Marie-Thérèse. Parallèlement, un accord public, après cette guerre de dévolution, est obtenu. Donc c'est le traité en 1668, la même année, le traité d'Aix-la-Chapelle permet à la France d'obtenir des villes importantes comme Lille, Douai et bien d'autres villes. Néanmoins, ce n'est qu'une trêve et la guerre reprend, la guerre dite de Hollande. Cette guerre frappe essentiellement la Hollande, mais très vite l'Espagne entre dans ce conflit contre la France, et c'est finalement l'Espagne qui paye les frais de la guerre en livrant encore des villes très importantes et en livrant une nouvelle province, la Franche-Comté. Et si vous vous souvenez tout à l'heure de ce grand chemin impérial qui était celui de l'Espagne, qui allait de Bruxelles à Palerme, c'est finalement désormais une étape importante sur le chemin qui n'est plus espagnol, c'est-à-dire la Franche-Comté. Ici, vous avez une allégorie, un des deux princes, Louis XIV et Charles II. Alors, puisqu'on est en situation de paix, comme souvent, on négocie un mariage. Alors, il y a eu, pendant la guerre, une révolution à Madrid, et c'est le demi-frère de Charles II qui a pris le pouvoir, un fils, comme on disait autrefois, naturel, un fils bâtard de Philippe IV, remarquable homme d'État, remarquable homme de guerre, Don Juan José, qui probablement, et vous le voyez, c'est aussi une idée que je lance, l'idée que finalement, si on n'a pas de branche légitime, on pourrait bien avoir une branche bâtarde. C'est finalement ce que le Portugal a toujours fait. Plutôt que d'aller chercher un prince ailleurs, pourquoi pas le chercher chez soi, si on en a un. Et Don Juan José a certainement caressé l'idée que si son demi-frère venait à mourir, il pourrait lui-même devenir roi. Alors, il prend le pouvoir, hein, c'est le premier exemple de pronunciamento, finalement de coup d'État militaire. Et il finit la guerre. Alors, nous avons pour cette période-là le témoignage du maréchal, du marquis de Villars, ambassadeur de France, dont la relation a été publiée par Morel Facio. Et voici comment Villars, décrivant la cour un tout petit peu plus tard, en 1680, décrit Charles II. Le roi est entré dans sa 19e année, le 7 novembre de l'année passée, 1679. Il est d'une taille au-dessous de la médiocre, assez menu, et paraît un peu boiteux, peut-être par une habitude de marcher mal. Comme on ne s'est appliqué dans sa jeunesse qu'à le faire vivre sans penser à son éducation, le faire vivre, vous voyez, c'est beau, hein, sans penser à son éducation, il ne fait aucun exercice et n'a pas la moindre connaissance de science ni de lettres. À peine sait-il lire et écrire. Il a le visage d'une longueur extraordinaire, étroit et maigre, dont les traits démesurés lui forment une physionomie bizarre. Alors, au même moment, Villars dit que Don Juan José n'a pas cherché à former son demi-frère. Il écrit « Il le tint toujours dans une extrême oisiveté et dans une dépendance si grande que ce prince ne pouvait sortir du palais sans lui. » Non seulement, vous voyez, il est malade, il n'est pas bien, bien fort, mais en plus, il est comme prisonnier. On voit bien cette image assez triste qu'on a vue tout à l'heure. Alors, Don Juan José meurt en 1679. Finalement, il avait porté beaucoup d'espérance, et il a beaucoup déçu. Et c'est finalement de nouveau la reine-mère que nous avons vue tout à l'heure qui reprend le pouvoir avec les grands d'Espagne, en quelque sorte. Alors, dans cette période-là, donc, a été négocié le mariage du jeune roi que je viens de décrire, voyez, avec sa physionomie bizarre et cette très jolie princesse française qui, elle, n'est pas du tout bizarre. Hein. Et elle a appris avec beaucoup de dépit et beaucoup de tristesse, d'une certaine manière, qu'on allait la marier avec Charles II. Alors, lorsque Louis XIV rend public en 1679 cette union, il prononce un beau discours qui est en quelque sorte le résumé de ce qu'on peut appeler la société des princes, que j'ai appelé la société des princes. Voilà ce qu'il dit. « Ma nièce, je vous ai traitée comme ma fille. » Ça veut dire qu'on lui fait un mariage digne d'une princesse fille de roi. « Je vous donne pour mari un grand roi. » Je désire que, quoique française, vous soyez aussi bonne reine espagnole, que la reine, ma femme, quoique espagnole, est bonne reine française. Si des guerres éclatent entre nous et votre mari, nous sommes assez grands seigneurs pour ne pas pouvoir nous ruiner. Vous voyez là un peu tout, comment se résument les relations internationales sous l'Ancien Régime. Lorsqu'elles partent à l'étranger, les princesses gardent leur identité nationale, mais prennent aussi celle de leur nouvelle patrie. La guerre est naturelle entre princes. Néanmoins, entre grands seigneurs, on ne cherche pas à ruiner l'ennemi, à détruire l'État voisin, puisque l'autre prince est un parent, un frère. Et vous voyez, ce regard implicite de l'adversaire défini par Louis XIV révèle comme une solidarité entre les rois, presque une connivence. Pour la pauvre Marie-Louise, c'est une autre histoire. Et voilà ce que raconte Madame de Sévigné. La reine d'Espagne va toujours criant et pleurant. Le peuple disait, en la voyant dans la rue Saint-Honoré, « Ah, monsieur, le frère de Louis XIV est trop bon. Il ne la laissera point aller. Elle est trop affligée. » En effet, on lui a montré des portraits de son futur mari. Alors le roi lui dit, et vous voyez, il y a là presque cette fois-ci une menace, « Madame, je vous souhaite de vous dire adieu pour jamais. Ce serait le plus grand malheur qui vous pût arriver que de revoir la France. » Vous voyez, on sent bien là que le devoir est terrible. Alors, Villars a également raconté la rencontre de ces deux nouveaux époux. Ça se passe, bien sûr, un long voyage très compliqué, très remarquable, et ils se rencontrent dans un village de 9 ou 10 maisons. La nouvelle reine est installée dans une maison de paysans, Et elle s'avance à l'entrée de son appartement pour recevoir son mari. Et Villard, le marquis de Villard, précise, son appartement, c'est une chambre de paysan dont la porte répondait à l'escalier. Vous voyez, un cadre très simple, presque bucolique. Marie-Louise veut se mettre à genoux devant son mari. Son mari la relève. Et Villard dit, mais ils se trouvèrent bien embarrassés de ne se pouvoir entendre. Ni l'un ni l'autre ne parle la langue de l'autre. Et à ce moment-là, le roi Charles II fait un signe, donc Villard s'avance et sert d'interprète. Vous voyez la première rencontre de ce couple, qui sera un couple, Marie-Louise va immédiatement beaucoup se plaindre hein, lorsqu'elle recevra la marquise de Villard en particulier, elle trouve qu'on la traite mal. C'est difficile à dire, oui, c'est aussi un discours caractéristique. La voici dans une tenue qui rappelle beaucoup celle d'Élisabeth de France, hein, peinte par Velázquez, un peu la même belle, magnifique tableau. Elle meurt au bout de 10 ans. Il semble que sa vie était en effet pas très drôle. Et bien sûr, à sa mort, on dit qu'elle a été empoisonnée. Hein, c'est donc toujours ce soupçon. Alors, immédiatement, hein, le roi Charles II se remarie, vous le voyez maintenant adulte, on sent déjà plus la difficulté, hein. Et le voici en majesté, hein, c'est pas... Alors, vous voyez, c'est un peu toute ça, cette vision. Alors là aussi, c'est le roi, un roi catholique, un roi qui se fait représenter dans un contexte de grande piété. Voici un auto-da-fé, pour nous c'est affreux. Mais vous voyez, c'est un des grands tableaux où l'on a la représentation. Et vous voyez ici, vous avez Charles II et vous reconnaissez en blanc et noir, ce plan blanc et noir, la reine-mère qu'on a vue tout à l'heure. Vous voyez, c'est à peu près. Et il doit y avoir, puisque c'est en 80, il y a encore probablement Marie-Louise par ici. Donc, il s'agit, vous le savez, de condamner des hommes qui sont soupçonnés de continuer des rites secrets juifs ou musulmans que l'on va brûler, non pas de l'advent, hein, on va les brûler ailleurs. Mais vous voyez, c'est terrible qu'une des images que l'on ait de ce roi soit dans ce grand auto da fé, qui est une des dernières grandes représentations d'auto da fé. Hein. Il est certain que la raison commence à avancer et par exemple en France, on considère que ce sont des restes de barbarie. Voici une autre représentation très impressionnante. Vous le voyez en face d'un ostensoir. On lui présente l'ostensoir et le corps de Dieu, le corps du Christ. Et vous le voyez, c'est un très beau tableau avec en particulier l'orgue portatif ici. Hein, toute une représentation de grande piété hein, qui est celle de cet homme. En même temps, il se remarie tout de suite. Voici sa nouvelle épouse. C'est une Allemande. Hein, vous la connaissez tous par Ruy Blas hein, et j'allais dire aussi par La Folie des Grandeurs. Hein, avec de Funès, c'est elle qui est l'héroïne bien transformée par les écrivains et par le cinéaste. Elle est donc allemande et elle incarne finalement un parti allemand ou tout au moins une influence allemande à la cour d'Espagne. Après Marie-Louise qui pouvait apparaître comme un agent de la France, elle va elle-même beaucoup travailler pour assurer la succession avec les Habsbourg de Vienne. Et c'est ce que je voudrais raconter pour terminer, c'est que à la fin du règne, tout se précipite puisque finalement, malgré ces deux mariages, Charles III n'a pas de descendance. La succession est assez complexe. Je vous passe le détail. Qu'est-ce qui y apparaît? Il ne peut pas avoir d'enfant. Il n'en a pas. Le problème, c'est de lui en parler. Il ne veut pas qu'on lui en parle. Et le marquis d'Harcourt, qui va être ambassadeur de France, note qu'on lui a dit que s'il avait un successeur. S'il désignait un successeur, immédiatement, toute l'attention et tous les espoirs se porteraient sur son successeur, et lui, on le mettrait, je dirais, de côté, peut-être qu'on le conduirait à la mort. Alors, il a une peur, vous voyez, il a une conscience très, très aiguë de son rôle, et il pense qu'on ne doit pas, il ne doit pas nommer de successeur. Vous voyez, c'est ce qui explique que pendant des années, on va le martyriser, c'est bien le cas de le dire, pour qu'il nomme quelqu'un, mais il s'y refuse. C'est l'Europe qui va décider pour lui. Alors, qui on peut-on choisir? Eh bien, il y a de côté la France, qui a de grands appétits, et ça, on choisit plutôt dans les deux grandes maisons, maison de France et maison d'Autriche à Vienne, des cadets, pour ne pas gêner la succession à Vienne et à Paris. Donc, ce serait plutôt, en France, un petit-fils cadet de Louis XIV, Philippe, duc d'Anjou. Et vous voyez, il s'appelle Philippe. Ça prouve bien qu'on y avait pensé. Hein, c'est le nom des rois d'Espagne. Donc, ce serait Philippe. Et pour l'empereur, ce pourrait être l'archiduc Charles, le cadet de Léopold Ier. On pense également beaucoup à des petits princes de moindre parage. Et voilà celui qui, finalement, obtient tous les suffrages, le prince électoral de Bavière, qui a l'avantage d'être le petit-fils de Léopold Ier, le petit-neveu de Charles II. Il a l'âge qui convient, c'est un adolescent. Et c'est finalement ce qu'on aimerait bien. Alors c'est le moment où la France envoie, après la guerre de la Ligue d'Augsbourg, il arrive en 1698, on envoie un homme remarquable, le marquis d'Harcourt, qui est un homme de guerre, mais également un courtisan. Il a reçu de très habiles instructions, on lui demande, je dirais, de faire profil bas. Hein, dire toujours que l'âge du roi d'Espagne ne permet point que l'on ait des vues si éloignées que sa succession. Ne pas lui parler de succession pour ne pas le braquer, pour ne pas braquer non plus l'opinion publique espagnole. Hein. Éviter de choquer. Et en même temps, essayer de voir s'il y a un parti favorable à la France. Et là, Louis XIV pense, il n'y a pas de parti formé dont le roi ait connaissance. Ce qui montre finalement qu'on n'a pas d'espérance sur l'opinion publique l'opinion publique espagnole. Ce que je voudrais montrer, c'est que là encore, cet ambassadeur habile, qui a laissé de très belles lettres, va s'occuper essentiellement de la santé, enfin non pas essentiellement, mais beaucoup de la santé de Charles II. Ces lettres sont en quelque sorte des bulletins de santé. Et ça, pour un médecin, par exemple, ça pourrait être pour un spécialiste d'histoire de la médecine, ce serait sans doute très intéressant, parce que c'est pour un prince que l'on cache en grande partie, il s'agit d'obtenir des renseignements sur sa santé, ou de l'observer, c'est-à-dire lorsqu'il y a chapelle, c'est-à-dire lorsque les ambassadeurs sont présents lors d'une cérémonie religieuse, on observe le roi, et en particulier, un jour, on voit qu'il a une blessure, il est tombé. Donc, on sait qu'il... Vous voyez, tout ça, et c'est vous voyez, cette sorte de regard un peu insistant, médical, et à quelque chose d'à la fois très beau et très inquiétant en même temps. Et il écrit, par exemple, dès son arrivée, le marquis d'Harcourt écrit « Quoique toute cette cour soit tout mystère et que l'on prenne grand soin de cacher l'état de santé du roi catholique, je vois bien qu'il est fort mal parce qu'il m'en revient. Et votre majesté doit, à mon avis, prendre sur cela les mesures qu'elle jugera plus convenables à ses intérêts parce qu'il me semble qu'il ne pourra pas revenir de cette maladie. » Nous sommes en février 1698 et Charles III mourra en 1700. Donc vous voyez, de longs mois, plusieurs années, on va suivre jour après jour sa santé. Le marquis raconte également sa première audience, le 17 avril 1698. Je vous cite, je vous lis. « Je fus aussitôt introduit dans une petite chambre où il était appuyé le dos contre une table, deux bougies derrière lui, placées de manière que je ne pouvais lui voir le visage. Un interprète seul dans la chambre. Le marquis fait son compliment, Charles II lui répond. Il prit cependant, Harcourt continue, il prit cependant un grand soin de se cacher pendant tout le temps que je fus à l'audience et je me retirai sans avoir pu voir ni ses yeux, ni la couleur de son visage. Mais mon frère, qui était à la porte de la chambre, remarqua qu'il s'appuya des deux mains sur un homme qui l'aida à repasser dans une autre chambre. » Vous voyez, ce geste indique qu'il est très malade. Alors, Harcourt réussit a gagné d'une certaine manière l'archevêque de Tolède, Porto Carrero, qui finalement, semble-t-il, prend le parti de la France, qui pense que finalement le roi Charles II n'en a pas pour très longtemps. Mais en même temps, vous le voyez, Harcourt dit « mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes favorables à un prince français ». Mais il a très peur de tromper Louis XIV. Et il dit, mais finalement, ils m'ont tellement dit qu'ils étaient favorables à la France. Mais voilà, par exemple, il écrit, il n'est pas possible que toute l'Espagne à la fois ait conspiré pour me fasciner les yeux. Vous voyez, est-ce que tous les Espagnols m'ont trompé en me disant qu'ils étaient favorables à la France? Il ne sait plus très bien, il ne veut pas que Louis XIV puisse commettre une erreur. Alors, il fait son entrée, finalement, Harcourt fait une très belle entrée à Madrid, une entrée solennelle, et parallèlement, il essaye de gagner des voix, en quelque sorte, parmi les grands, en faveur d'un prince français. Mais en même temps, il se renseigne toujours sur la santé de Charles II. Voilà le cardinal Porto Carrero qui lui fait dire que le roi a des enflures partout. qu'en un mot, il n'en espère rien. Vous voyez, ça, tout au long de ces mois-là, on regarde cela parce qu'il ne faut que dès que la mort aura lieu, Louis XIV puisse intervenir, soit en envoyant un prince à la frontière, soit, plus probablement, en faisant entrer une armée. Et ce contexte fait que finalement, progressivement, eh bien, Darcourt, le marquis Darcourt, commence à douter. Et finalement, en 1700, il ne sait plus très bien ce qui se passe. Il pense que des documents ont été envoyés à Vienne pour donner les couronnes à l'archiduc Charles. Il raconte qu'on a essayé, on a exorcisé Charles II. Voilà, il est certain qu'un capucin est entré avec le confesseur chez le roi par des portes secrètes et l'a exorcisé. Plusieurs autres personnes ont été arrêtées pour le même sujet et mises à l'inquisition. Mais cela ne sert que de prétexte aux intrigues. Vous voyez, au moment où cette santé, on ne sait plus quel moyen utiliser. Finalement, vous le savez, probablement un testament a été rédigé en faveur de l'archiduc Charles, mais brusquement, au printemps 1700, les grands d'Espagne, le Conseil, pensent que finalement, pour maintenir l'intégrité des couronnes, l'intégrité de cet empire que je vous ai décrit, il faut s'associer à la plus grande puissance du temps, à une puissance qui peut intervenir immédiatement. Et de là, parce qu'ils ont des intérêts aussi, parce qu'eux-mêmes sont vice-rois ou gouverneurs dans toutes ces parties de l'empire, les grands en arrivent à la conclusion qu'il vaut mieux choisir le petit-fils de Louis XIV. On demande l'avis du pape, et vous le savez, c'est un avis favorable. Le pape Innocent XII considère que les renonciations n'ont pas de valeur, donc que la succession à travers un prince français est possible. C'est le moment finalement où le roi s'en remet à Porto Carrero. Quel est son état de santé? On ne peut pas le savoir. Toujours est-il qu'un testament est rédigé sous l'influence de Porto Carrero et il est signé Yo El Rey. Il désigne comme successeur à toutes ses couronnes le petit-fils cadet de Louis XIV qui devient donc le premier Bourbon. C'est la fin du dernier Habsbourg d'Espagne et l'avènement du premier Bourbon dans ce pays. Je vous remercie.